Document 3, page 56. Karim, tu fais un petit concert demain à la fête de la musique ? Oui, sur la place des Oliviers avec mon groupe, comme l'année dernière. Super, je viendrai t'écouter. Ah, si j'avais le courage, je ferais bien un petit spectacle, moi aussi. Tu sais, Laetitia, tout le monde peut participer. Si c'était réservé aux professionnels, ce ne serait pas une vraie fête de la musique. Moi, je trouve que l'esprit de la fête a changé depuis une dizaine d'années. Les amateurs ont un matériel de plus en plus professionnel. Oui, mais c'est beaucoup mieux organisé. Eh bien, je préférais le côté simple et populaire d'autrefois. Avant, si tu avais un instrument de musique, tu sortais et tu jouais dans la rue. Tu peux toujours le faire. C'est vrai. Mais si je le faisais, personne ne m'entendrait. Pour ça, il me faudrait le même matériel que les groupes de rock ou de techno. Je ne suis pas d'accord. Si tu chantais des chansons douces, tu n'aurais pas besoin de ce matériel puissant, mais juste d'un endroit calme dans la ville. Et tu penses que la nuit du 21 juin, il y a des endroits calmes dans la ville ? Tu rêves ! Bon, tu as envie de chanter ? Eh bien, on a besoin d'une chanteuse demain soir. Clarisse est malade. Tu connais nos chansons ? Parfaitement. Mais tu es sûre que je chante bien ? Assez bien pour une fête de la musique. D'accord. Mais ça me rassurerait si on pouvait répéter un peu ce soir. Pas de problème.